Chapitre 16e. Économisons le sucre et le beurre. Miss Lester, en quittant la salle à manger après le dîner, un peu avant l'entretien de Lady Adélaïde et de Lord Dane, avait longé le hall jusqu'à ce qu'elle arrivât à une route solitaire. Les pâturages dépendants de la propriété de son père se trouvaient à droite, les grands bois sombres à gauche. Deux routes conduisaient chez Miss Bordelion, celle que suivait en ce moment Maria, et une autre à travers le bois. Le vent soufflait avec une telle violence qu'il était à peine possible de se tenir debout, mais Maria le supportait bravement, se raccrochant de temps en temps, comme elle pouvait, au tronc d'un arbre de la route pour ne pas tomber. Elle eut bientôt atteint l'entrée du bois et se décida à suivre le chemin qui le traversait, pensant avec raison y être plus à l'abri du vent que par celui qu'elle avait suivi jusque-là à ciel découvert. Quoique née et élevée à la campagne et accoutumée à l'obscurité des bois, Maria ne put se défendre d'une certaine angoisse en se trouvant seule par cette tempête dans cette sombre allée. Le vent, là, ne l'empêchait pas d'avancer, mais il sifflait avec une telle violence au-dessus de sa tête que les arbres semblaient à chaque minute devoir se briser et que les rafales, s'engouffrant dans les branches, les faisaient craquer avec un bruit sinistre. Maria commença à se rappeler en tremblant une certaine histoire qu'elle avait lue dans un livre allemand, où une petite fille, traversant une immense et sombre forêt, avait, tout à coup, un homme sorti brusquement d'un fourré et sauta sur la route devant elle. Maria poussa un cri perçant, mais aussitôt, elle éclata de rire. C'était seulement son frère. Grand et svelte jeune homme de 24 ans, Wilfrid était toujours aussi beau que dans son enfance. Les yeux bleu foncé, les cils longs et noirs, les cheveux châtains sombres. Mais l'air joyeux et franc de l'enfant avait fait place à l'indifférence et en quelque sorte à l'apathie de l'homme désillusionné de tout, et ne comptant plus sur rien en ce monde. « Que je suis stupide !» s'écria Maria. « Mais tu n'aurais pas dû m'effrayer ainsi, Wilfrid. Je n'en ai pas eu l'intention. Qui aurait pu se douter que tu te promènerais dans les bois ce soir? Ce n'est pas raisonnable, Maria. Il n'est pas encore très tard. Je vais chez Marguerite, et j'ai choisi cette route comme étant la plus couverte. Jamais je n'aurais pu résister au vent dans la campagne. » Il s'était mis à marcher à côté d'elle. Maria semblait contrainte et mal à l'aise. Elle jetait les regards à la dérobée sur le fusil que son frère tenait à la main. « C'est ton fusil, Wilfrid ? » demanda-t-elle enfin. « C'en est un qu'on m'a prêté, » répondit Wilfrid d'un ton bref. Un silence. Maria sentait son question se presser sur ses lèvres. Elle n'osait pas parler. « Je m'étonne qu'on te laissait sortir par une telle nuit, » dit Wilfrid. « Je ne me souviens pas de n'avoir jamais vu de semblable. »« Je n'ai pas demandé de permission. » Je suis sorti sans avertir. Comment va Edith ? Elle lui avait adressé cette question avec une certaine hésitation. Wilfrid en fut blessé. Son esprit était dans un de ces états d'énervement et de susceptibilité que produit souvent cette lutte sourde avec la société. Ah, c'est vrai. C'est une haute trahison, n'est-ce pas, que de demander de ses nouvelles. Est-ce qu'on ne t'a pas défendu de prononcer même son nom ? Allons, Maria, à vous. Tu ne m'en diras jamais plus que je n'en soupçonne. Maria se taisait. « On t'a peut-être aussi interdit de me parler, si par hasard tu m'en rencontrais » continua-t-il. « Non, Wilfrid, ce n'en est pas encore arrivé là. Dis-moi comment vous vivez. Edith se porte-t-elle mieux ?»« Nous ne vivons pas du tout, à moins que végéter ne soit vivre. Tout va de plus mal à la maison, et Edith ne fait pas exception. Jamais elle ne se rétablira tant que les choses seront ce qu'elles sont, s'il y a une justice au ciel. » « Oh, tais-toi, Wilfrid, cela ne te porterait pas bonheur. »« Ni malheur non plus. Enfin, comme tu voudras, Maria. »« La prochaine défense, je présume, sera de m'adresser la parole. »« Ne serait-ce pas un peu ta faute, Wilfrid ?»« Oh, naturellement, c'est toujours moi qui ai tort et eux raison. »« Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à te voir prendre leur parti contre moi. »« Tu me maltraites sans motif, Wilfrid. »« Tu sais bien que je t'aime plus que personne au monde. » Plus que notre père même, quoique je sente que c'est mal de ma part et que je ne devrais pas l'avouer. Il ne te manquerait plus que de l'aimer plus que moi, s'écria impudemment Wilfrid. A-t-il jamais rien fait pour se faire aimer de nous? Sans cesse et exclusivement occupé de sa lady et de ses enfants, ne nous témoignant à toi ou à moi ni tendresse ni même l'affection la plus vulgaire. Nous ferions mieux de changer de conversation, interrompit doucement Maria. Wilfrid se contenta de faire un geste plus méprisant encore que ses paroles et dédaigna de répondre. « Tu me disais que peut-être on me défendrait de te voir, Wilfrid. Si cela arrive, la faute en sera à toi. » « T'ai-je répondu ?» continua Maria. « faisant un effort désespéré sur elle-même pour avoir le courage de parler. « Quelles sont ces histoires qu'on se raconte tout bas à ton sujet ? Des histoires ? Que tu te livres à des actions blamables, braconnant le gibier et le poisson, sortant la nuit avec des hommes malfamés ? On parle. » Elle s'arrêta en tremblant légèrement, puis dit très vite « On parle d'une attaque contre le garde de Lord Dane. »« Le pays ne parle pas d'autre chose, à 10 000 à la ronde !» répondit négligemment Wilfrid. « Mais on dit, quelques personnes disent que tu en étais. »« Oh, vraiment, vraiment ! Ah, il paraît décidément que j'ai bon dos aujourd'hui. Qui a dit cela ? Je ne sais pas. Qui te l'a dit à toi ? Je ne sais comment on en a parlé au hall. Tiffle, je crois. » Lady Adelaide m'en a dit 2 ou 3 mots, et j'étais si terrifié que je n'ai pas osé lui faire de questions. Peut-être ne m'aurait-elle pas répondu si je lui avais demandé des détails. « Oh, Wilfrid, viens au hall démentir cette horrible nouvelle, si tu peux. Viens la démentir à notre père, pour qu'il puisse faire cesser tous ces bruits. Si je peux. » « Qu'entends-tu par là, Maria ? Est-ce que tu crois vraiment que je sors la nuit pour assassiner des gardes-chasse ? Alors viens t'expliquer au hall. Pas pour un empire. L'entrée du hall m'a été défendue. » « Mais rassure-toi, Maria, et laisse Lady Adelaide et Tiffle dire ce qui leur plaît. J'ai bon dos, je te le répète. » « On parle de trébuchets et de filets à prendre en masse le gibier, qu'on va vendre ensuite. »« Ah, je comprends. On fait de moi un vrai braconnier. Eh bien, Maria, laisse mon père et sa femme se réjouir du scandale. Que jamais l'on me déporte ou qu'on me pende, ils auront au moins la satisfaction de penser que c'est à eux que je suis redevable de mon sort. » « Comment mon père croit-il que je puisse vivre ?» continua Wilfrid, après un moment de silence, quand il me refuse même de quoi acheter du pain. Mais Edith en dehors de la question. Marguerite subvient à ses besoins. Est-ce que, si je ne m'étais pas marié, il ne m'aurait pas alloué une pension quand elle n'aurait été que de 2 000 francs par an ? Eh bien, qu'il me la fasse aujourd'hui, cette pension, je ne lui en demande pas plus. Mais je crois, ma parole d'honneur, que leur plus grand désir est de me voir mal tourné. C'est celui de Lady Adelaide au moins, j'en suis bien sûr. « Te voilà, ce soir, dans les bois, avec un fusil, Wilfrid. Et après, est-ce que je puis m'en servir par une telle tempête ? Mais le fait seul de le porter te ferait condamner. Tu n'as pas de permission de chasse. »« Si, j'en ai une. » Maria crut qu'il mentait, et elle baissa la tête, toute confuse. « J'en ai acheté une. Marguerite m'a donné l'argent nécessaire. » Maria allait répondre quand elle s'arrêta tout à coup, effrayée. « Qu'est-ce qu'il y a là ? » murmura-t-elle en montrant les arbres à quelque distance. « Je n'ai rien entendu que le bruit du vent. Je n'ai pas entendu, j'ai vu 2 yeux, là-bas, entre les arbres, qui nous regardaient. Je crois que c'était un enfant. Je l'ai vu s'enfuir. » Wilfrid Lester courut à l'endroit indiqué et écarta les branches des buissons. Il n'y avait personne. « Tu dois t'être trompé, Maria. » Ils furent bientôt hors du bois. Un peu plus loin, sur une route découverte, se trouvait le cottage de Miss Bordelion. À gauche, un chemin de traverse conduisait au chalet habité par Wilfrid. Le cottage et le chalet étaient situés à peu de distance l'un de l'autre, mais un détour de la route empêchait de voir ce dernier de l'endroit où Wilfrid et Maria se disaient adieu en ce moment. Ils allaient se séparer quand un enfant à l'aspect étrange passa en courant devant eux. D'une agilité surprenante, sans cesse agité de mouvements presque convulsifs, il avait l'air d'un serpent, le visage vieillot, comme l'ont quelquefois les enfants contrefaits, rusé et plein de finesse, les yeux faux. Il n'était pas précisément contrefait, mais seulement rabougri. Âgé de près de 15 ans, il en paraissait à peine 10. « Eh bien, Chad, où décampes-tu comme ça ? » s'écria Wilfrid. Le gamin s'arrêta. Baptisé sous l'aimable nom de Shadrach, on ne l'appelait jamais dans le pays autrement que Chad. Personne ne connaissait son nom de famille, et l'on se demandait même s'il en avait réellement un. Un beau matin, quelque 13 ou 14 ans auparavant, on avait vu dans la cabane de la vieille Goody Bean un marmot qui semblait y avoir poussé comme un champignon pendant la nuit. D'où sortait-il ? La vieille Goody prétendait que c'était le fils de sa fille, absent de Dainchel depuis plusieurs années. Mais Goody Bean n'avait pas une grande réputation de véracité, et en cette circonstance, personne ne crut à son affirmation. « S'il vous plaît, monsieur, je retourne à la maison, je viens de ramasser du bois pour grand-mère. » Il parlait avec la candeur et la naïveté d'un enfant. Mais en regardant son visage d'une expression si spirituelle, on se demandait si cette candeur n'était pas feinte. De 2 choses l'une, où Chad était le jeune gentleman le plus pur et le plus innocent, ou le drôle le plus étonnamment rusé qui exista au monde. « Avez-vous été ramasser cela dans le bois, Chad ? demanda Miss Lester en alliquant quelques morceaux de fagot que le jeune gars tenait à la main. « J'étais seulement de l'autre côté de la haie, Miss. Je n'aime pas le bois quand les arbres sont secoués par le vent. Vous n'êtes pas entrée dans le bois ?» continua Maria en le regardant en face. « J'y étais hier, Miss. Je vous parle de ce soir. Non, » dit-il en agitant la tête pour accentuer sa dénégation. « Grand-mère m'avait ordonné d'aller dans le bois pour lui ramasser une bonne fagotée. Mais je n'ai pas osé y entrer quand j'ai entendu le vent. Et je m'attends à être battu à cause de ma désobéissance. » Et il s'en alla clopin-clopant. Miss Lester se tourna vers son frère. Wilfrid, c'était lui qui nous surveillait. Très vraisemblablement. Il est encore plus menteur que sa grand-mère, et ce n'est pas peu dire. Allons. Eh bien, qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Wilfrid venait d'apercevoir sa domestique tournant l'angle de la route de toute la vitesse de ses jambes et le visage bouleversé. Quand la femme vit son maître, de loin, elle ralentit le pas et l'appela d'un air effrayé. Que se passe-t-il donc, Sally? La maison est-elle en feu? « Monsieur, répondit Sally d'un ton bourru, la maison n'est pas en feu, mais ma maîtresse vient de s'évanouir, et je suis venu vous chercher. Je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas morte. » Wilfrid partit comme un trait, puis il s'arrêta tout à coup, et revenant précipitamment sur ses pas, il dit à sa sœur. « Ne veux-tu pas venir aussi, Maria, au nom de l'humanité? Que tu entres dans ma maison et que tu dises un mot de consolation à Edith, succombant en ce moment peut-être, faute d'aide et de soins. « Monsieur et Lady Adelaide Lester n'en mourront pas, sois tranquille. Juge entre eux et moi, Maria. » Il y avait dans son ton une expression d'amère ironie. Maria, cependant, n'y prit pas garde, et n'écoutant que son cœur, suivit Wilfrid. Le cottage était à deux pas, un petit cottage plus que modeste, sur la lisière du bois, la cuisine faisant face à la route et le salon sur le derrière de la maison. C'était dans cette dernière pièce que Sally avait laissé Edith mourante. Mais ce n'était qu'un évanouissement passager, et elle revenait déjà à elle quand ils entrèrent. Edith, depuis sa maladie, perdait souvent connaissance. Aujourd'hui, cependant, son évanouissement s'était tellement prolongé que la domestique Sally, on l'appelait quelquefois Sarah par politesse, quoique son nom de baptême fût réellement Sally, avait pris peur. Maria, à laquelle l'entrée de la maison de son frère était interdite par ordre de M. Lester, n'avait pas vu sa belle-sœur depuis de longs mois. Frappée du changement qu'elle trouvait en elle, de sa pâleur, de l'altération de ses traits et de l'amaigrissement de son corps, Maria ne put maîtriser son émotion et se jeta en sanglotant dans les bras d'Edith, qui, surprise de sa présence au cottage et gagnée elle-même par l'émotion, fondit aussi en larmes. Wilfrid, inquiet des suites d'une trop vive secousse pour Edith, dit un mot tout bas à sa sœur. Maria comprit et, après quelques calmes paroles d'adieu, sortit du salon. « Sally ! » s'écria-t-elle en entrant dans la cuisine. « Qu'est-ce qui a pu réduire votre malheureuse maîtresse à un pareil état de maigreur ?»« La faim. »« Oui, miss, la faim, » répondit Sally du ton brusque qui lui était habituel. « La faim ?» répéta Maria en la regardant avec un étonnement mêlé d'épouvante. « La faim ? Comment ? Voilà où les choses en sont ici. »« Ah, elles ne sont pas beaucoup mieux. Et c'est comme ça déjà depuis quelque temps. Au moins en ce qui la concerne. » dit Sally en indiquant d'un signe de tête la porte du salon. « Mon maître et moi, nous pouvons nous contenter de mets grossiers, de pain et de fromage, de pain et de lard, quelquefois d'un morceau de viande ou de pommes de terre et d'oignons cuits à l'étuvée, comme en Irlande. Nous arrosons tout cela de bonne eau claire pour le faire passer, et nous ne nous en portons pas plus mal. Mais pour elle, est-ce possible une pareille nourriture? Elle ne pourrait pas plus avaler toutes ces choses-là que les casseroles ou le four prussien où on les fait cuire. Quand les gens sont délicats et souffrants, il leur faut de la bonne nourriture, du bouillon et des gelées, des huîtres et des blancs de poulet, ou bien une jolie tranche de grillade de bœuf avec un ou deux verres d'excellent vin. Voilà ce dont ma pauvre maîtresse aurait besoin. Et à défaut de tout cela, elle va mourir. » La porte du salon s'ouvrit. « Sally, est-ce que Miss Lester est partie? S'il est encore ici et qu'elle veuille m'attendre un instant, je l'accompagnerai chez Miss Bordelion. » Maria mit son doigt sur ses lèvres. « Ne lui dites pas que je suis encore là, Sally, » murmura-t-elle. « Il ne faut pas qu'il quitte sa femme pour moi. »« Miss Lester est partie, maître. »« Alors venez, Sally. Votre maîtresse a besoin de vous. » Sally courut au salon. Maria profita du moment pour s'échapper et prit en toute hâte, aussi vite du moins que le vent le lui permettait, le chemin du cottage de Miss Bordelion. Jamais dans sa vie, Maria ne s'était sentie plus péniblement et plus profondément émue, souffrant, mourant du manque de nourriture convenable. Maria Lester avait lu de pareilles horreurs dans les romans et quelquefois dans les journaux, mais qu'elles fussent là, palpables, devant elle, et qu'une femme de son rang, de sa classe, que la femme de son frère en fût victime, c'était là une chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Deux convictions se dégagèrent peu à peu du chaos de ses idées. La conviction de l'effrayante responsabilité qui pesait sur ceux dont, au fond de son âme, elle osait à peine prononcer le nom, et l'autre, de l'impuissance où elle serait de rien changer à l'état des choses. Elle arriva bientôt au cottage de la falaise, jolie petite maison blanche, aux fenêtres garnies de persiennes vertes. Miss Bordillon était aujourd'hui une femme encore charmante, à l'air calme et doux. Ses cheveux seuls portaient les traces du combat amoureux, dont son cœur avait été le théâtre. Ils avaient blanchi avant l'âge. Miss Bordillon fut surprise de voir entrer Maria, et s'interrompit de prendre son thé en la regardant d'un œil interrogateur. Maria ôta son châle et son chapeau et s'assit à côté d'elle près de la table. À ce moment, la servante entra, apportant une tasse et une soucoupe et un peu de beurre qu'elle posa devant Maria. « Vous preniez donc votre thé sans beurre, Marguerite ?»« Oui, j'essaie quelquefois de rôti sèche. » Mais Maria se rappela que Miss Bordillon n'avait jamais été friande de rôti sèche et qu'elle avait toujours eu, au contraire, un goût très prononcé pour le beurre. Puis elle la vit se lever tranquillement, se diriger, sans faire semblant de rien, vers le buffet, où elle prit le sucrier, qu'elle revint poser sur la table. Une pensée traversa tout à coup l'esprit de Maria. « La famine est donc ici comme là-bas, Marguerite ?» dit-elle avec émotion. Et il fallut bien tout avouer, car Maria devint pressante. Ce n'était peut-être pas la famine, mais la plus stricte économie, la privation de tout ce qui n'était pas absolument nécessaire. Depuis le départ de Maria et d'Edith, un an auparavant, Miss Bordillon avait été réduite à ses propres ressources, 2 500 francs par an, dont elle aurait pu vivre peut-être, elle et sa servante, mais malheureusement tout à fait insuffisant, aujourd'hui qu'elle avait à sa charge Wilfrid et Edith. « Vous les aidez donc, Marguerite ?» s'écria Maria. « Autant que je puis. Il le faut bien, puisque tout le monde les abandonne. »« Comment ne m'en suis-je pas douté ?» bégaya Maria. Wilfrid m'a bien dit un mot ce soir à ce sujet, mais je pensais vraiment l'avoir mal compris. Votre revenu est si peu de choses. Ma chère enfant, comment supposez-vous donc qu'ils aient vécu? Aucun ménage ne peut aller longtemps sans argent comptant. Pendant quelques mois, à part leur mariage, je maintins à l'écart, ne voulant pas qu'ils puissent voir, dans ma présence chez eux, une approbation de leur conduite imprudente. Petit à petit, l'argent, le peu qu'il leur restait, se dépensa. Alors ils vendirent un à un tous leurs bijoux de famille, d'une bien modeste valeur, hélas, leurs effets personnels et quelques-uns de leurs meubles. Ils achetèrent à crédit, mais quand leur crédit fut épuisé, Maria... Que faire? Un jour, je rencontrai Edith. C'était 3 mois, à peu près, avant la naissance de son baby, et elle me parut si faible et si chancelante que je lui donnai le bras pour retourner au chalet. Et là, Sally m'éclaira sur le véritable état des choses. Cette fille vaut son pesant d'or. Qui? Sally? « Oh, Marguerite, elle a toujours été une si insupportable vieille !» s'écria Maria, dont la pensée se reporta tout à coup à la tyrannie de Sally sur Edith et sur elle dans leur enfance. « Noble lame, vil fourreau, comme dit le grand poète français, c'est un cœur d'or. Elle avait quelques économies, pas beaucoup, car elle a soutenu sa mère et sa sœur infirme. Eh bien, elle les a dépensées jusqu'au dernier sou pour Edith, à l'époque de la naissance de l'enfant. « Pauvre femme, » dit Maria, « cela me réconcilie avec elle. » « Mais, Marguerite, ne pensez-vous pas qu'on agit bien mal à l'égard de Wilfrid? Les marchands pourraient, il me semble, lui accorder un peu plus de crédit. Il leur doit déjà. Si peu de choses, quelques misérables sommes, il est le fils aîné de la famille, après tout. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, le domaine lui appartienne. Il faudra. » Marguerite avait appuyé sur le mot avec une force significative qui fit vibrer dans le cœur de Maria la corde sensible. « Ce serait si injuste, Marguerite, » dit-elle en rougissant, d'en déshériter Wilfrid. Il est l'aîné, il a été pendant bien longtemps le fils unique, et puis, une grande partie de la fortune ne vient-elle pas de notre mère? Ah, je suis certaine que papa ne voudra pas en priver Wilfrid. Les marchands n'en paraissent pas aussi certains que vous, répondit Miss Bordillon d'un air contraint. Pourquoi ne m'avoir jamais parlé de cela, Marguerite? Je ne regarde de faire aucune réflexion sur Lady Adélaïde. C'est sa faute, vous croyez? Je ne le crois pas, j'en suis sûr. Elle seule est cause des embarras d'argent de M. Lester, et bien certainement elle l'excite contre son fils. Maria, je prévois qu'elle ne permettra jamais à M. Lester de venir en aide à Wilfrid ou même de lui léguer l'argent de sa mère. il faut qu'elle soit terriblement injuste. Dans les petites choses, elle l'est, je le sais, mais dans celle-ci, elle n'a donc pas de conscience, Marguerite ? La conscience est un objet fort élastique, en général, répondit Miss Bordelion en souriant. Et maintenant, Maria, je désire ne pas parler davantage de Lady Adélaïde. Je suis même étonné de m'être laissé aller à en dire tant. Ce qui se passe n'est un secret pour personne à Dainchild, et l'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que les boulangers et les bouchers oublient leurs intérêts pour être agréables à Wilfrid. Et vous vous êtes privé de sucre et de beurre, vous, ma bonne Marguerite, afin de venir en aide à Wilfrid et à sa femme ? Marguerite s'était privée de bien d'autres choses, mais elle répondit à la remarque d'un air indifférent. « C'est là une bien petite abnégation, et qui ne vaut certes pas la peine qu'on s'en occupe, Maria. Soyez assez aimable pour me garder le secret. »« Pourquoi serait-ce un secret ? Avez-vous peur de mécontenter, papa ?»« Oui. »« Quoique non pas peut-être dans le sens que vous croyez. »« Je ne voudrais pas le mécontenter, et j'ai raison de ne pas le vouloir. » Réfléchissez. Je demeure dans une de ces maisons sans payer de loyer. Quand je lui ai demandé, après votre départ, de fixer la somme que je lui devrais pour le cottage, il m'a rionné. Mais ce n'est pas là ce qui m'arrête. Ma crainte, la voici. Si l'on savait que moi, ou tout autre, aide Wilfrid, on ne serait que plus sévère et plus impitoyable pour lui au hall. Marguerite, que vont-ils devenir ? Qui pourrait le dire ? Je suis effrayé quand j'y pense. Vous comprenez, Maria ? En mettant même de côté les considérations d'argent, personne ne tend la main à Wilfrid pour le tirer de l'horrible position où il se débat aujourd'hui. On avait parlé d'une place du gouvernement, mais comment l'obtenir maintenant que son père ne la demande plus pour lui ? Ah, je voudrais que Lord Dane fût son ami. Et pendant ce temps, ils n'ont rien à manger, à l'exception du peu que je puis leur donner. Avec deux élégantes maisons à faire vivre de 2 500 francs par an, continua Marguerite en essayant d'être gaie. Vous ne devez plus vous étonner, Maria. Que le sucre et le beurre soient des objets dont je ne puisse m'approcher qu'avec les plus grandes précautions. Le pire de tout cela, ajouta-t-elle en redevenant tout à coup sérieuse et grave, c'est que Wilfrid considère comme la plus barbare injustice la conduite non seulement de son père, mais de tout Dainchild à son égard, que son cœur s'aigrit et que les conséquences seront peut-être terribles. Ces mots rappelèrent à Maria le but de sa visite. Marguerite, je voulais vous demander... Avez-vous entendu parler de ces histoires sur Wilfrid, qu'on l'a vu la nuit sur les terres de Lord Dane ? Taisez-vous, interrompit Miss Bordelion en jetant des regards effrayés autour d'elle. Alors on vous l'a dit à vous aussi ? Oh Marguerite, vraiment, est-ce que vous y croyez ? Je ne crois rien, Maria. Toutes les rumeurs en général ont autant de chances d'être fausses que d'être vraies. Ce que nous avons de mieux à faire est de les ignorer. Marguerite, j'ai affronté cette terrible nuit pour savoir de vous la vérité. Dans le doute affreux où je suis, je n'aurais pu dormir. Avez-vous rien appris de certain ? Non, dit froidement Miss Bordelion. Je l'ai rencontré tout à l'heure avec un fusil. De quel besoin pouvait-il lui être ce soir ? Il m'assurait qu'on lui avait prêté. Est-ce vrai ? Je l'ignore. Je ne sais rien de cela, mais ce doit être vrai. Il m'a dit que vous lui avez donné l'argent nécessaire à l'achat d'un permis de chasse. C'est vrai. Si Wilfrid se laissait entraîner à une action coupable, j'en mourrais, je crois. Murmura Maria, les yeux pleins de larmes. Edith aussi en mourrait. Et vous ne voulez pas me tirer de ce doute affreux, Marguerite ? Maria, comprenez-moi bien. Je ne sais réellement rien de certain. J'ai, comme vous, entendu parler des bruits qui courent sur Wilfrid, rien de plus. Je ne les crois pas vrais, et j'espère qu'ils ne le sont pas. Le meilleur parti à prendre pour vous et pour moi, c'est de paraître les ignorer. Voyons, Maria, il est temps de retourner au hall. Écoutez le vent ! Si vous tardiez davantage, vous ne pourriez plus mettre un pied devant l'autre. Je vais vous faire accompagner. » Et Miss Bordelion fit prévenir par sa domestique le jardinier de M. Lester, un vieux brave homme dont la maison touchait au cottage. On a vu comment Maria arriva à Dainchild Hall avec ses deux compagnons de route, son chapeau à la main, son voile parti pour un voyage aérien et les cheveux au vent.